pauvres enfants. Voilà, ne criez pas, mes enfants. Nous allons nous réfugier à une lieue d'ici, au couvent de Santa Maria. Oui, c'est ça. Fuirons par le peuple. Serrez-vous bien autour de moi, mes enfants. Oui, ma mère. Les voici. Venez. En route, et que tous les saints du paradis. Ouvrez. Il n'y a donc personne. Et c'est moi, les amis. Hop. Tiens. Laisse de moi. Entrez, camarades. Paris chaleureux, s'il porte le conseil à la porte, près de Sarre et Pétrole, je savais des pages. Ici, nous pourrons être protégés contre la presse, enfin, nous conseillons un peu. Nous serons ici, parfaitement. N'est-il pas vrai, mon lieutenant? Très bien, et nous avons vraiment bien gagné le repos d'un moment. Nous avons vraiment bien gagné le repos d'un moment. Nous courons tous après la gloire, mais nous sommes fourbus, harassés, et n'ayant point à manger ni boire, tantôt rôtis, tantôt glacés. Et lorsqu'on a brûlé l'étape, le fusil et le sabre en main, à travers la mitraille qui frappe, il faut se frayer un chemin. Il faut se frayer un chemin. Pif paf, plein d'alerte guerrière, pif paf, en avant, morbleu, pif paf, en bon militaire, pif paf, on se lance au feu. Pif paf, plein d'alerte guerrière. Des couronnes de fleurs et de la façon la plus civile, chacun nous reçoit en vainqueur. Le mari qu'un beau zèle enflamme s'en va nous chercher son vin vieux, et pendant ce temps-là, sa femme en cachette nous fait des douze yeux. En cachette nous fait les douze yeux. Pif paf, plein d'erreurs guerrières, pif paf, en avant pour le bleu, pif paf, en bon militaire, pif paf, on s'élance au feu. Pif paf, plein d'erreurs guerrières. Caserne de demoiselles. Pas vrai, Griolet? C'est mon avis, Baba Montabor. Mais où sont-elles donc, les demoiselles? Envolées, la cage est vide. Corbleu que j'ai chaud. Foi de Montabor. Oh, moi, il aime, Baba Montabor. Eh bien, appelez la vivandière. Oui, appelons-la. La belle, la superbe Claudine, la reine des vivandières. Regardez-moi ça. Le latipa qui s'allume, cet appel-là. Dis donc, Martin. Dis donc. Là, avec sa voiture et son or. Salut à Claudine. Et salut à Martin. Merci pour moi, mes enfants. Et merci pour mon brave Martin, le roi des baudets.